On va parler de hockey, on va parler de hockey junior. Beaucoup de nouvelles cette semaine. Philippe Boucher a quitté son poste avec les Remparts de Québec. Il y a également la tragédie de Humble. On en parle avec notre ami Yves Bolduc. Salut Yves. Salut Yannick. Yves, d'abord, je veux parler de Humble. On va parler avec un journaliste de Saskatoon aujourd'hui pour savoir comment que la petite communauté de Humble se remet. Finalement, tu m'as appris ce matin qu'il n'y aura pas des funérailles ensemble, 13 victimes, là. Non, je pense que c'est un choix que la communauté a fait et les familles, entre autres, ce qu'on a appris mercredi lors de la conférence téléphonique entre les commissaires de la Ligue canadienne Junior A, c'est que ils vont faire ça séparément, peut-être en petits groupes. Là, hier, c'était les premières funérailles du descripteur des matchs des Broncos et aujourd'hui vont suivre les funérailles de trois des victimes, trois des 16 victimes de l'accident tragique de vendredi dernier. Et je pense que cette décision-là a été mûrement réfléchie. Ça va être moins lourd pour tout le monde, même pour la communauté, là. Tu sais, pensez-y au niveau logistique, là, une petite communauté de 6 000 personnes qui doit organiser des funérailles civiques de 15 cercueils, 16 cercueils en même temps. Je pense que ça devenait de plus en plus lourd. On s'explique pas encore la tragédie. Ben, un accident, c'est-tu comprenable, Yves, là? Tu sais, on a entendu beaucoup de choses. Un accident, c'est un accident. Tu sais, Ouais, mais on n'est jamais prêt à ça, Danny. Tu sais, on se disait, moi, avec le commissaire de la Ligue Junior 3, là, on est quand même loin de la Saskatchewan, puis l'impact que ça a eu sur notre ligue depuis samedi matin, avec toutes les entrevues qu'on a dû donner, coordonner, l'aide, puis penser aux gens là-bas là, qui ont 1 000 choses à faire, puis que là, en plus, la petite dame du Bantam A qui est partie à GoFundMe là, pour ramasser 100 000 $, qui est maintenant rendue à 10 500 000 C'est ce qu'on va matin. faire avec cet argent-là? C'est ça l'affaire. C'est bien beau 10 Ben, millions. moi, je pense que logiquement, Danny, ça va être des montants qui vont d'abord permettre aux Broncos de se restabiliser là, dans la reconstruction de leur équipe. Également, une grosse partie de l'argent va aller aux familles des victimes. Et on devra ne pas oublier également là, les survivants là, qui, eux, vont vivre avec ça pour le reste de leur jour. Là, à chaque fois qu'ils vont soit embarquer dans un autobus ou revivre un événement comme ça, eux autres sont marqués au fer rouge là, pour le reste de leur vie. Donc, une grande partie de ces sommes-là va devoir être consacrée à eux également. Mais au-delà de ça, tu as le drame humain que ça l'a causé, puis ça l'a amené des réflexions à tout le monde, là. Moi, j'ai fait 30 ans de hockey, puis j'ai jamais réfléchi à cette situation-là. Pourtant, je m'assoyais tout le temps dans les 4 premiers bancs en avant. Je peux te dire que maintenant, si j'avais embarqué dans l'autobus un matin, je vais le faire quand même, parce que j'ai la passion du hockey, mais je suis pas certain que je vais embarquer dans les 4 premiers, là. Puis en même temps, tu peux mourir d'une crise de cœur, Yves, là. Oui, je comprends, mais je veux dire, il reste que, t'sais, les gens ont été tous pris en conscience là, que on a été chanceux qu'une tragédie comme ça n'arrive pas, là, t'sais. Hey, moi, la question que je me pose, comment tu fais pour te remonter de ça après ça? C'est des équipes, là. On le devine toutes les Broncos, la saison est terminée. Mais là, j'imagine qu'on va y aller avec un repêchage spécial, quoi. On n'a pas d'idée là-dessus, là. Vous comprendrez que la Ligue de Saskatchewan avait beaucoup d'autres choses à gérer à ce moment-ci. Ils ont dû d'ailleurs prendre une décision très importante à savoir si ils suspendaient les activités pour cette année ou s'ils allaient avec la finale de championnat, donnant accès directement à l'Ipawin pour affronter Steven. Et la décision qu'ils ont prise, c'est qu'ils vont disputer la finale en l'honneur des Broncos. Donc, la finale va se mettre en branle samedi là, entre les Bruins de Steven et les Hawks de Nipawin. Et le champion va représenter la Ligue de la Saskatchewan par la suite à la Coupe RBC qui va avoir lieu à Chilliwack au mois de mai. Et du côté de la Ligue canadienne, ben nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'au sein de toutes nos ligues, ben évidemment, les équipes qui sont en finale vont porter le logo des Broncos sur leur casque. Chez nous, dans la Ligue Junior 3A du Québec, il va y avoir des bandes installées sur les bandes de l'aréna de la Cité du sport de Terrebonne et du Colisée Jean Béliveau à Longueuil, alors que la finale va se mettre en branle ce soir entre Terrebonne et Longueuil. Il y aura également un cercle d'honneur qui va être fait avant le match. Et pour ce qui est de la Ligue canadienne, il y a plusieurs choses qui sont entrevues. Est-ce que toutes les formations porteront le chandail des Broncos pour le tournoi? Est-ce que ce sera le nom des joueurs qui devient peu important dans une tragédie comme ça, qui sera remplacé par l'inscription Broncos derrière le chandail? On a quelques semaines là, pour décider avec l'Assemblée des commissaires qu'est-ce qui va être fait comme geste, mais déjà, là, il y a beaucoup d'idées. Nous, en tout cas, ce matin, là, on a un meeting important des gouverneurs de la Ligue Junior 3 du Québec à Brossard. On va décider du montant qui va être remis à la Ligue de la Saskatchewan ou directement aux Broncos, là, mais on parle d'un minimum de 13 000 $ là, 1 000 par équipe qui va être donné, là, c'est, puis je parle bien d'un minimum pour l'instant, là. Alors, ça, c'est des choses qui vont évoluer graduellement, mais on s'entend que dans ce temps-ci, là, eux, leur pensée, là, c'est sur les plaies qu'ils ont à guérir, là, puis les morts qu'ils ont à enterrer, là. OK. Si on y allait maintenant avec la nouvelle de la semaine, qui s'est passée, Philippe Boucher, ça, c'est la semaine... écoute, ça va faire du bien... Ça va faire du bien avec pour les Remparts, parce que on se compte pas d'histoire. Ça n'a pas été un... Philippe Boucher comme entraîneur, comme directeur général, c'est autre chose, mais comme entraîneur, c'est une autre chose. Et je pense que ça va faire du bien. Ben, je pense que ça a été le premier à l'admettre. Ouais. Si vous avez écouté la conférence de presse, lui, il a dit qu'il a trouvé ça très, très dur. D'abord, chausser les souliers de Patrick Roy, c'était déjà un gros défi pour lui. Puis plus ça avançait, les gens qui le connaissent de près, là, Philippe Boucher, c'est un bon gars. Puis devenait couper des joueurs à chaque année, transiger des joueurs, ça devenait de plus en plus difficile pour lui. Ça l'a peut-être même empêché de faire certaines transactions qui auraient pu aider les Remparts, je vous dirais, parce qu'à un moment donné, des gars comme ça deviennent tellement en amour avec leurs joueurs qu'ils voient pas de l'air. Là. Puis dans certains cas, ça lui a peut-être nuit. Alors, est-ce que c'est une bonne décision, une mauvaise décision? Seul lui le sait, parce que c'est sa décision à lui, selon moi. Maintenant, pour la suite, moi, personnellement, là, je vois les noms qui apparaissent ce matin. Guillaume Latendresse, premièrement, il n'y a pas d'expérience au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Là. Oui, il a dirigé les Riverains du Collège Charlemagne pendant 4 saisons, mais il n'y a pas d'expérience d'entraîneur-chef dans la Ligue junior majeure du Québec. Et Jacques Tanguay était très clair, là. Il cherche un gars qui est capable d'occuper les deux jobs. Alors, est-ce que Guillaume Latendresse est capable d'être directeur-gérant également? J'en doute là, pour l'instant. Mario Durocher est un bon candidat. La question est de savoir est-ce que Mario peut s'entendre avec Jacques Tanguay quotidiennement. Ça, c'est une chose que je ne sais pas non plus. Alors, moi, personnellement, là, si vous avez un vieux 2$ en papier à mettre là, sur le successeur de Philippe Boucher, là, placez-le sur Patrick Roy. Patrick Roy? Oui, moi, je pense que Patrick... Il sait qu'il n'y aura pas de retour dans la Ligue nationale. Son possible retour, la porte que tout le monde espère qu'il ouvrirait, c'est à Montréal. Mais moi, je pense pas qu'à Montréal, ça va arriver. C'est un gars qui est trop émotif dans la Ligue nationale. Alors, je pense que Jacques Tanguay va réussir à convaincre Patrick de revenir à Québec derrière le banc et d'occuper les doubles fonctions. J'en doute, mais en tout cas, ça c'est ton opinion, mais j'en doute. Moi, je verrais plus un gars comme Éric Veilleux. Non, Éric Veilleux fera pas de retour, sera pas de retour. Moi, je pense pas qu'Éric va faire un pas derrière. Il a un très bon travail actuellement dans la Ligue américaine. Puis Éric, il est très bien vu au sein de la Ligue américaine, tellement que certains disent que d'ici 2 ans, il pourra faire le saut dans la Ligue nationale. Alors, je pense pas que. Puis il a passé très près cette année. Là. Moi, mes informateurs me disent que si l'Avalanche n'avait pas fait les séries, là, probablement qu'il y aurait eu changement d'entraîneur, puis il devenait le candidat numéro un. Là. Donc, okay. Je pense que Jacques Tanguay, oui, tu as raison, ça n'a pas été facile pour Philippe Boucher, puis les assistants ont diminué aussi à Québec, puis on peut penser qu'éventuellement, même si j'en doute autant que toi, tu peux douter du fait que Patrick Roy revienne, là, si jamais par miracle les Nordiques ou une formation de la Ligue nationale décidaient de déménager à Québec, ben, ça pourrait être dans le profil de dire, ben si tu fais un pas avec nous autres, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Québécois qui est propriétaire de la franchise à Québec, là. Donc, ça pourrait être une possibilité, là, Patrick Roy. Un autre candidat qui pourrait peut-être le faire, ce serait Bob Hartley, mais moi, je pense que Jacques Tanguay, là, après avoir eu Éric Lavigne, Guy Chouinard, Patrick Roy et Philippe Boucher, là, ne mettra pas un nouveau derrière le banc. En tout cas, c'est comme les remparts de Québec, c'est comme à Montréal avec les Canadiens. Tu peux pas arriver avec un coach recrue, moi, je pense. En tout cas, tu sais, un gars comme. Je pense. En tout cas, c'est le même que je vois ça. Hey, parle-moi des séries. Il y a déjà deux séries de terminées. Oui, et là-dedans, il y a une très grosse surprise. Les Islanders de Charlottetown qui ont défait les Mooseheads d'Halifax en 4. C'est une surprise. Définitivement, c'en est une, mais ils en avaient causé une également en première ronde en éliminant les Remparts en 7. Mais malgré le fait qu'ils étaient quand même 9e au classement puis les Remparts 8e, mais Philippe Boucher l'avait bien dit, le surveiller cette équipe-là, ils nous ont pas surpris par hasard et effectivement, ils l'ont fait. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Moi, je pense qu'au cours des prochaines heures, prochains jours, les Mooseheads vont annoncer le congédiement de leur entraîneur-chef, Jim McGlay, parce que l'an prochain, ils seront les autres du tournoi de la Coupe Memorial. Donc, ils voudront s'assurer d'avoir un entraîneur qualifié pour avoir une équipe compétitive l'an prochain, mais pas se faire faire le coup une deuxième année. Dans le cas du Titan Acadie Batters, c'est pas vraiment une surprise. On avait dit que le Phoenix de Sherbrooke le gagnerait en 7, mais qu'il dépenserait beaucoup d'énergie dans sa série contre Rwanda. Alors, ça a été qu'une formalité pour le Titan Acadie Batters. Mais là, le carré d'or risque d'être très, très intéressant. L'Armada de Blainville-Boisbriand, là, selon moi, devrait mettre fin à sa série ce soir à Fredericton contre les Wildcats de Moncton. Donc, s'assurerait d'affronter les Islanders de Charlottetown au tour suivant. Et par la suite, ben, il restera déterminé le gagnant entre les Tiques de Victoriaville et les Voltigeurs de Drummondville. Une série qui a de l'air serrée par les pointages, mais les gens qui ont assisté au match, là, savent que les Tigres ont dominé presque, en tout cas, très certainement deux des trois matchs, parce que dans le premier match, ils ont joué 10 minutes, puis après ça, ils sont disparus. Mais dans les autres matchs, là, malgré le pointage de 5-4 dans la dernière rencontre, là, ils menaient 5-2 alors qu'il restait 3 minutes à jouer. Et ils étaient en domination du match, même s'ils avaient une dizaine de lancers de moins que les Voltigeurs. Moi, je pense que c'est une formalité du côté des Tigres dans les prochains jours, à moins qu'on ait une surprise ce soir. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Mais les Tigres pourraient être les prochains adversaires du Titan Acadie Batters. C'est ça serait toute une série. Veleno fait pas l'air d'être tranquille dans cette série-là, je me trompe-tu? Ben oui, mais je pourrais en dire autant là, du premier trio des Tigres est absent. Qui est pas mal absent depuis le début des séries éliminatoires, à part Abramov qui a connu une grosse série contre les Olympiques de Gatineau, là, mais Comtois a été suspendu lors du dernier match. Je pense qu'il y a 2 points dans la série, peut-être même un. Abramov a amassé son premier point de la série lors du dernier match. Kozarenkov a peut-être 1 ou 2 points. Donc c'est pour ça que je te dis, là, les Tigres sont en contrôle des matchs. Puis son premier trio s'est pas mis en marche encore. Donc, si ça se fait dans les prochaines heures, ce soir ou dimanche, ça va être une formalité. Le premier trio des Tigres est nettement avantagé à celui de Veleno, Gay et Mongo. OK, OK. Comment le défenseur Jérôme Gravel, qui vient de Chambord, c'est un défenseur défensif, il est-tu pas pire? Ben, moi, je trouve qu'il est bien dans sa chaise. Là. On parle souvent de la chaise. Là. Lui, il est très bien comme... 5e, 6e défenseur. Oui, un peu dans ce genre-là. Ouais. C'est sûr que lui, c'est un défenseur un peu à risque à certaines occasions, dans la transaction que Kevin Cloutier a faite à la période des Fêtes, qui a amené Gravel, qui a amené Charlebois, qui a amené le Cormier de Rimouski, ben, ça l'a permis à des joueurs comme Gravel, comme Lanoux, comme Baudin, d'avoir un peu moins de pression. Et puis ça a permis à toute la brigade défensive d'être plus à l'aise un peu. Même le grand défenseur Andrew Smith, là, que les Tigres ont essayé d'échanger à plusieurs reprises lors de la période de transaction, puis qui a finalement refusé toutes les transactions pour demeurer avec les Tigres, il joue beaucoup mieux depuis ce temps-là. Okay. Donc, Gravel, il dans son rôle, les Tigres jouent à 7 défenseurs, puis il fait très bien son rôle. OK. Ben Yves, je vais te laisser aller à ta réunion des commissaires de la Ligue Junior. On va se reparler de la Ligue Junior 3, parce qu'il y a toujours des nouvelles. Maintenant, les séries vont se terminer, puis il va y avoir moins de nouvelles. J'aimerais ça que tu me parles de la Ligue Junior 3, qu'on a très bien connue à l'époque du multiconcessionnaire. Oui, ça va me faire plaisir. Puis je peux te donner un hint, on est très ouvert à un retour. Je sais que ça n'a pas très bien été la Ouais, dernière mais fois eux qu'il y a autres eu sont pas une ouverts. fenêtre. Je suis pas sûr qu'on est ouverts, nous autres. En tout cas, s'il y a des gens intéressés, là, ils peuvent toujours faire signe, puis il y a des possibilités peut-être dans le futur à ce que ça se passe un peu mieux que la dernière fois. Ben, il aurait fallu que dans le temps qu'il y ait un plan d'ajouter une ou deux concessions, là. Parce que, écoute, là, c'était le multiconcessionnaire, puis l'équipe la plus proche était Québec. Et, tu sais, aurait fallu que, j'en ai parlé souvent à l'époque, aurait fallu qu'il y ait une équipe à Alma ou à La Tuque. La Tuque est arrivée par après, là. Donc, si tu aurais eu une équipe à La Tuque, tu aurais eu une équipe ici. Ça aurait été l'équipe qui part de Saint-Jérôme fait un long voyage pour deux équipes au lieu d'un. C'est déjà moins pire, pas mal, Ouais, mais c'est des choses qui se décident en réunion des gouverneurs, là. puis comme je te dis, là, il faudra si jamais ça représente, c'est sûr qu'il faudra des conditions qui étaient meilleures qu'à l'époque. Ouais. Ben, merci beaucoup, puis on s'en reparle. Merci, Danny, Yves bonne semaine. Bolduc, notre collaborateur de la Ligue de hockey junior du Québec.